Deux semaines s'étaient écoulées depuis ma rencontre avec Eugène Pavlovitch. Je n'avais plus aucune nouvelle d'Aglaïa Ivanovna. Par contre, il ne s'était pas passé un jour sans que Nastassia Philippovna ne me fît mander chez elle. Je m'y rendais docilement, je montais l'escalier et je scrutais les colonnes. Je craignais que Parfen Rogojine, caché derrière l'une d'elles, essayât de nouveau de me tuer avec son couteau. Une fois dans la chambre de Nastassia, je m'asseyais près de la fenêtre et je détournais les yeux. Faisant semblant d'ignorer ma détresse, Nastassia me parlait de notre mariage, des formalités déjà accomplies et des robes qu'elle avait commandées à Saint-Pétersbourg. Une seule fois, prenant ma tête dans ses mains, elle me parla de moi-même. Il ne faut plus penser à Aglaé, prince. Elle est partie pour l'étranger. Il paraît qu'elle a été bien malade. Dans son délire, elle t'appelait et te suppliait de revenir. Tu souffres, prince. Moi aussi. Seulement, ce n'est pas la même peine. La tienne est peut-être plus profonde, plus noble. Ah, tu voulais te charger des armes, de mon âme en particulier. Tu voulais porter ta croix. Ne dis pas maintenant qu'elle est trop lourde. Et elle m'entretenait de nouveau des préparatifs de notre mariage. Vers le soir, je me levais, je lui baisais la main et je m'en allais, sans joie ni tristesse. Tout m'était indifférent. Les faibles liens qui m'attachaient encore au monde extérieur s'étaient relâchés à l'extrême. Et le sentiment que j'avais éprouvé lors de ma longue maladie, le sentiment de me mouvoir dans un espace dépeuplé et silencieux, s'était à nouveau emparé de moi. Un matin, Kolia frappa à ma porte. Prince, mon père est mort. Il n'y a plus de mort. Il a été vaincu par notre sauveur. Le Christ a peut-être vaincu la mort, mais les hommes continuent à mourir. Alors à quoi sert cette victoire éphémère? En effet. Maman vous prie d'assister aux obsèques. J'irai bien, mais je n'ai jamais assisté à un service funèbre orthodoxe et je crains de me montrer ridicule, de me signer à contre-temps, de m'agenouiller alors que tout le monde restera debout, ou le contraire. Ce n'est rien. Vous regarderez les autres et vous ferez comme eux. C'est vrai. Je n'ai qu'à regarder les autres. Dites à votre mère que je viendrai. Merci. Ainsi, vous vous mariez? Oui, Kolia. Et avec qui, s'il vous plaît? Avec Nastassia Philippovna, évidemment. Mon frère Gabriel Ardalionitch en ferait une maladie. Et maintenant, si je vous disais de ne pas vous marier avec cette femme, vous penseriez que je défends les intérêts de mon frère? Non, je ne le penserai pas. Je sais pourquoi vous pouvez me déconseiller d'épouser Nastassia Philippovna. Ah, vous le savez? Alors c'est bien. Et vous allez quand même l'épouser, cette reine des ténèbres. Les ténèbres sont mon domaine. Inutile donc que j'insiste, que je vous supplie. Tout à fait inutile, Kolia. Il vous faut des témoins, prince. Pourquoi faire? Pour votre mariage, voyons. En avez-vous? Non. Attendez, non, à vrai dire, je n'en sais rien. C'est Nastassia Philippovna qui s'occupe du côté pratique de la chose. Le choix des témoins appartient au mari. J'aimerais que vous choisissiez M. Bourdovski et M. Keller. M. Bourdovski me semble un peu jeune. Quant au boxeur Keller... Vos témoins sont là, c'est-à-dire derrière la porte. Je me suis permis de les amener ici. Ayez la bonté de les recevoir. Bien, s'il en est ainsi, faites-les entrer, Kolia. Venez, messieurs, je vous prie. Bourdovski me salua timidement et se dirigea à l'autre bout de la pièce. Le boxeur Keller, lui, s'immobilisa sur le seuil. Il baissa les yeux, leva sa main droite, l'index pointé vers le ciel, comme s'il prêtait serment, et s'écria « Prince, je ne boirai point. Enfin, je ne boirai pas tant que la cérémonie religieuse durera. Ceci dit, je vous avoue que la nouvelle de votre mariage avec Nastassia Philippovna m'a d'abord profondément attristé. Attristé au point que je n'ai pas pu me retenir et que j'ai exprimé mon opinion là-dessus dans la salle où je jouais au billard. Puis, en pleine rue. Devant tous les badauds du quartier. Vous avez eu tort de le faire, Monsieur Keller. Je croyais que vous aimiez et estimiez le prince. Mais c'est précisément parce que je l'aime et que je l'estime que j'ai crié au scandale. Comment ne le comprenez-vous pas, Collien ? Moi non plus, je ne comprends pas, Monsieur Keller. Vous êtes tous les deux stupides. J'ai crié au scandale parce que je rêvais d'un autre parti pour le prince. Je voulais le voir épouser une duchesse. Ou au moins, la fille du général Yepanchin, Aglaé Ivanovna. Mais pas une Nastassia Philipovna, que tout le monde considère comme une catin. Silence, Keller. C'est ainsi que vous parlez de la future femme du prince. N'avez-vous pas honte ? J'ai honte, Kolia. J'ai honte car je me rends maintenant compte que le prince envisage les choses d'une manière particulièrement noble. Il ne recherche ni les richesses, ni les honneurs, mais seulement la justice. Et c'est pourquoi je m'offre à être son témoin. Et s'il le faut, son garde du corps. Pourquoi mon garde du corps, Monsieur Keller ? À vrai dire, ce dernier mot m'a échappé. Pardonnez-moi. Mais encore ? Je crains de vous affliger, prince. Vous m'affligeriez en vous taisant. Alors je parlerai. Sachez que la racaille de cette ville est en émoi. Elle grogne et jure. Bref, elle ne digère pas votre mariage avec Nastassia Philipovna. Elle menace d'organiser un charivari monstre sous vos fenêtres pendant la nuit de noces. Aussi ai-je acheté une paire de pistolets et me suis-je procuré une lance d'incendie. Des sottises que tout cela, Keller. Personne n'osera s'attaquer au prince. Il jouit de l'estime générale. Écoutez, Kolia, la racaille est la racaille, et elle se moque pas mal de la supériorité intellectuelle et morale du prince. Une fois ivre, elle aura toutes les audaces. Et comment voulez-vous l'empêcher de boire, lorsqu'à tous les coins de rue, on vend de la vodka ? Non, il faut envisager sérieusement le problème et préparer une riposte efficace. Je l'ai préparée, cette riposte, jeune homme. Je vous ai dit que j'avais acheté une paire de pistolets et que je m'étais procuré une lance d'incendie. Je vais suivre votre exemple. Je m'achèterai aussi une paire de pistolets. L'ennui, c'est que je ne sais pas tirer. Ne vous désolez pas, jeune homme. Je vous apprendrai à tirer en quelques séances. Je vous ai écouté avec une grande attention, messieurs. Mais évidemment, je serais très chagriné si ces hooligans venaient conspuer Nastassia Philipovna sous mes fenêtres. Mais je ne veux pas que vous tiriez sur eux. J'ai horreur du sang. Préférez-vous entendre ces énergumènes hurler sous vos fenêtres et peut-être même envahir votre appartement, plutôt que d'en voir quelques-uns légèrement malmené. Je vous le répète, Monsieur Keller, je ne veux pas que les hooligans se donnent rendez-vous sous mes fenêtres, mais je ne veux pas non plus que vous tiriez sur eux. C'est à vous de faire en sorte que tout se passe comme je le désire. Sinon, je me verrai dans l'obligation de prendre d'autres témoins. Ah non ! Vous n'allez pas prendre d'autres témoins ! Et m'infliger un tel affront ! Je le regretterai, mais je le ferai quand même. C'est bon. Tout sera fait comme vous le souhaitez. Vous avez ma parole. Mais ne cherchez pas d'autres témoins en cachette. Puisque j'ai votre parole, je n'en chercherai pas. Bien, et maintenant, messieurs, j'ai besoin d'être seul et de réfléchir. Je suis fâché de vous retenir encore quelques secondes. Apprenez, prince, que cet immonde Lebedev, celui-là même chez qui vous logez et que vous engraissez, pour ainsi dire, de votre argent, est en train d'intriguer contre vous. Il veut vous placer sous tutelle et faire mettre sous séquestre ce que vous possédez. Soyez donc sur vos gardes. Et le moment venu, n'hésitez pas, frappez dur. J'ai bien l'honneur de vous saluer, prince. C'était L'Idiot, un feuilleton de Georges Govy inspiré de Dostoïevski, avec Pierre Vanek, le prince Michkin, Jean-Pierre Lorrain, Kolia, Michel Garnier, Bourdovski, Georges Géret, Keller et Sylvia Montfort, Nastassia Philipovna. Musique d'Edgar Cosma. Production réalisée dans les studios de la RTF à Nice par Yves Dariet, avec la collaboration de Jacques-Élie Moreau et le concours de la troupe dramatique régionale.